Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Vie de Sainte Marguerite Marie Alacoque, publié par le monastère de Paray-le-Monial, juillet 1923. Chapitre 1er. Naissance de Marguerite. Sa jeunesse, ses épreuves, sa vocation. 1647-1671. Claude Alacoque, juge et notaire royal des seigneuries du Terreau, de Corcheval et autres lieux, épousait en 1639 Philiberte Lamain. Dieu les avait choisis, l'un et l'autre, pour être le père et la mère d'une fille qui devait à jamais illustrer leur nom, Marguerite Marie Alacoque. Elle naquit au village de Lautecour, territoire de Vérovre, en Charolais, le lundi 22 juillet 1647, et fut baptisée le jeudi 25 du même mois, ayant pour parrain son oncle à la mode de Bretagne, Antoine Alacoque, curé de la paroisse de Vérovre, et pour marraine, Marguerite de Saint-Amour, mariée à Messire de Fautrières, seigneur de Corcheval. L'Esprit-Saint, au regard duquel tout est présent, prit sans doute possession de cette âme, avec une complaisance ineffable. Il savait qu'il ne serait jamais chassé de la demeure dans laquelle il entrait, et qu'au contraire il pourrait librement y accomplir des merveilles de grâce. Cette frêle créature, qui ne comptait que 3 jours d'existence et que rien ne distinguait au dehors, devait être dans le plan de la Providence, l'instrument par lequel de grands desseins de miséricorde sur le monde seraient réalisés. Avant tout, le Seigneur éprouverait la docilité de cet instrument. Il protégerait lui-même son élu, l'entourant d'un rempart d'humilité. Puis, un jour, il se pencherait vers elle, il lui découvrirait son cœur. Il le lui ouvrirait et il la chargerait de le manifester à son Église, dans toute la profondeur et la magnificence de son amour. Lumière discrète, annonçant tout d'abord l'éclat d'un jour incomparable. Marguerite Marie en demeurerait à travers les siècles le céleste rayonnement. Après avoir montré à tous le Sacré-Cœur et s'être abîmée en lui, elle resterait comme chargée d'office d'attirer toutes les âmes à ce cœur divin. Telle devait être sa mission spéciale. Comment le ciel l'y prépara-t-il? Pour avoir la réponse, pénétrons dans son âme. Dieu a voulu que la clé de ce sanctuaire fût conservée. C'est le manuscrit original de l'autobiographie de la Sainte, écrit par ordre du Père Rollin, jésuite, son directeur, pendant les années 1685-1686. D'une écriture très serrée mais aussi belle que caractéristique, cet autographe de 64 pages forma un des plus précieux trésors du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Là, nous puiserons le plus souvent, afin de laisser la disciple et l'apôtre du cœur de Jésus se révéler elle-même. Mais une réflexion préalable. Quand on lit de suite, ou même quand on ouvre au hasard le mémoire de la servante de Dieu, une chose frappe. Évidemment, ces pages sont tracées sans aucune prétention littéraire. L'humain en est absent. Par contre, le divin s'y fait sentir. De la première à la dernière ligne, il règne un souffle de vérité et de transparente humilité qui saisit. Et cette conclusion s'impose. Derrière Marguerite, à côté d'elle, ou plutôt en elle, il y a quelqu'un qu'elle contemple sans cesse, qui l'inspire sans cesse, et c'est de celui-là seul qu'elle s'inquiète. Dès lors, pourquoi s'occuperait-elle de semer son récit de date, que le lecteur aimerait tant à rencontrer, mais qui, pour elle, n'ajouterait rien à la grandeur des choses qu'elle raconte? Obligée d'écrire par obéissance, elle écrit selon que ses souvenirs lui reviennent, c'est tout. Aussi, se tournant tout d'abord vers son souverain maître, lui proteste-t-elle que c'est pour l'amour de lui seul qu'elle se soumet, et lui demande-t-elle de n'écrire rien que pour sa plus grande gloire, à lui, et sa plus grande confusion, à elle. Puis elle continue. « Ô mon unique amour, combien vous suis-je redevable de m'avoir prévenu dès ma plus tendre jeunesse, en vous rendant le maître et le possesseur de mon cœur. Aussitôt que je me sus connaître, vous fîtes voir à mon âme la laideur du péché, qui en imprima tant d'horreur dans mon cœur, que la moindre tâche m'était un tourment insupportable. Et pour m'arrêter dans la vivacité de mon enfance, l'on n'avait qu'à me dire que c'était offenser Dieu. Cela m'arrêtait tout court et me retirait de ce que j'avais envie de faire. Lorsque Marguerite eut atteint l'âge de 4 ans, sa noble marraine désira la garder quelque temps auprès d'elle en son château de Corcheval, confiant à deux de ses femmes le soin particulier de s'occuper de sa chère filleule. Bien différente était l'humeur de ces deux personnes. L'une se montrait aimable et engageante. Marguerite s'en éloignait. L'autre, sévère et dure, semblait l'attirer. Pourquoi? Parce que celui qui illumine les yeux du cœur faisait comprendre à cette jeune enfant que sa grâce habitait dans l'âme de la seconde, tandis qu'elle ne résidait point dans celle de la première. Fidèle à suivre l'instinct secret qui la poussait à fuir la compagnie de l'une de ses deux servantes et à rechercher celle de l'autre, Marguerite sut toujours passer à côté des pièges tendus devant son innocence, se gardant tout au pur sous l'œil de son Dieu. Oreste lui-même veillait à ce que rien ne vînt ternir la candeur de cette fleur des champs, dont il voulait se réserver exclusivement le parfum et la beauté. Il donnait à cette petite enfant de tels élans vers la pureté que, de son aveu, sans savoir ce que c'était, elle se sentait continuellement pressée de dire ces paroles. « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté, et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » Une fois même, elle les prononça entre les deux élévations de la messe. Ainsi donc, sans qu'elle en eût encore positivement l'intelligence, Marguerite était déjà marquée d'un sceau divin. Son unique plaisir à cet âge où le bruit et les jeux font le bonheur des autres enfants était de s'aller cacher en quelques bois pour y rester solitaire et y prier plus à loisir. D'autres fois, elle mettait ses délices à invoquer la Sainte Vierge, récitant le rosaire, les genoux nus en terre, ou faisant autant de génuflexions en baisant la terre qu'elle prononçait d'Ave Maria. Le premier pas que Dieu fit faire à notre sainte dans le chemin du sacrifice devait avoir plus d'une conséquence douloureuse. Marguerite n'avait guère que 8 ans lorsqu'elle perdit son père, Claude à la coque. Il était fort estimé dans le pays. C'était un homme d'honneur parce que, avant tout, c'était un vrai chrétien. Madame à la coque, chargée de la tutelle de ses 5 enfants et accablée d'embarras domestiques, se voyant forcément réduite à négliger l'éducation de sa fille, résolut de la mettre en pension chez les urbanistes de Charolles. Ce fut là que Marguerite fit sa première communion, n'étant âgée que d'environ 9 ans. Initiée déjà au mystère de Dieu par Dieu lui-même, ce fut bien autre chose après ce premier contact sacramentel de son âme avec notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme-Dieu devint son maître. Or, les leçons qu'il donne ne ressemblent en rien à celles des maîtres d'ici-bas. Aimable et enjouée, la jeune pensionnaire se faisait aimer sans peine. Son humeur naturelle l'eût inclinée à trop goûter les plaisirs. Mais dès cette époque, Dieu répandit tant d'amertume sur ceux qui se présentaient à elle que petit à petit, son cœur se détachant de la créature, chercha son unique repos dans le Créateur. Gardant toutes ses maîtresses comme des saintes et la sainteté comme l'apanage obligatoire des religieuses, elle voulait elle-même être religieuse pour être sainte. Et, ne connaissant point d'autre communauté que cette maison, elle pensait qu'il fallait demeurer là, selon sa naïve expression. Cependant, pour attacher plus indissolublement cette âme au joug de son amour, notre Seigneur permit qu'une étrange maladie vînt encore faire de plus sérieuses réflexions à Marguerite. Elle tomba dans un tel état de faiblesse et de maigreur qu'au bout de 2 années, sa mère la retira du couvent. Revenue dans sa famille, elle y fut encore longtemps la proie de cet inexplicable mal. « Je fus environ 4 ans sans pouvoir marcher, dit-elle. Les os me perçaient la peau de tous côtés. Aucun remède ne se montrait efficace. Mais dès que la jeune infirme eut fait vœu à la Sainte Vierge d'être un jour une de ses filles, elle la guérissait. Toute trace de ses précédentes souffrances disparut. Dès lors, Notre-Dame se fit la céleste directrice de celle qu'elle venait de rendre à la vie. Elle la reprenait des moindres fautes. Un jour, Marguerite avait pris la liberté de s'asseoir en disant son rosaire. Jamais elle n'oublia la réprimande maternelle que lui adressa cette reine de miséricorde. Je m'étonne, ma fille, que tu me serves si négligemment. Ne serait-ce point pour faire oublier cette sorte de nonchalance à sa mère du ciel et prendre sa filiale revanche, que Marguerite fit plus tard le vœu de jeûner tous les samedis en l'honneur de la Sainte Vierge, de lui dire l'office de son Immaculée Conception et de faire 7 génuflexions tous les jours de sa vie, avec 7 Ave Maria, pour honorer ses 7 douleurs. En attendant, à peine eut-elle miraculeusement recouvré la santé que le monde chercha lui aussi à ressaisir son empire sur cette jeune fille qui, sans offenser Dieu, pouvait légitimement se laisser aller au divertissement de son âge. Il n'est pas sans intérêt d'entendre notre sainte avouer elle-même ses tentations et ses faiblesses à ce sujet. Je ne pensais plus qu'à chercher du plaisir dans la jouissance de ma liberté. Et, plus loin, je commençais donc à voir le monde et à me parer pour lui plaire, cherchant à me divertir autant que je pouvais. En un autre endroit de sa vie écrite par elle-même, Marguerite confesse, dans l'amertume de son repentir, qu'une fois au temps du carnaval, elle alla même jusqu'à se déguiser avec d'autres jeunes filles par une vaine complaisance pour le monde. Mais ici encore le Seigneur, jaloux de la sanctification de sa servante, sut bien placer la croix à côté de l'entraînement et de la légèreté du siècle. Ô mon Dieu, je ne pensais pas alors ce que vous m'avez bien fait connaître et expérimenter depuis, qui est que votre Sacré-Cœur m'ayant enfanté sur le calvaire avec tant de douleur, que la vie que vous m'y aviez donnée ne pouvait s'entretenir que par l'aliment de la croix, laquelle serait mon mets délicieux. Madame à la coque, dépouillée de son autorité dans sa propre maison depuis la mort de son mari, se voyait soumise avec sa fille à une véritable servitude. La persécution était continuelle et pendant plusieurs années, Marguerite eut à subir un genre de martyre dont Dieu seul connut la blessante mais purifiante oppression. Trois personnes, dont la sainte a soin de taire les noms, se contentant de les appeler ses chères bienfaitrices de mon âme, ses véritables amies de mon âme, trois personnes ne cessaient de contrôler ses actions, mais chacune l'opprimait à sa manière, en sorte que la suggestion était triple et l'humiliation toujours renaissante. Ce qui augmentait encore l'angoisse de cette position, c'étaient les fréquentes maladies de Madame à la coque, dans lesquelles Marguerite se voyait privée même des moyens les plus élémentaires de la soulager. Une fois surtout, sa peine alla jusqu'à l'extrémité. Cette bonne mère souffrant cruellement d'un érésipèle si malin que personne ne voulait approcher ni penser sa plaie. Sa fille, étant allée à la messe un jour de la circoncision, supplia notre Seigneur d'être lui-même le médecin et le remède de sa pauvre mère. De retour auprès d'elle, Marguerite trouva le mal ouvert et formant une large plaie, envenimée. Sans autre onguent que ceux de la divine providence, elle se mit à la pensée avec tant de confiance en la bonté de son Seigneur qu'en peu de jours, ce mal invétéré fut guéri contre toute apparence humaine. Où cette jeune fille, qui jusque-là ne pouvait ni voir ni toucher des plaies, avait-elle pris un tel courage? En celui qui la fortifiait. Mon divin maître, dit-elle, me consolait et substantait d'une parfaite conformité à sa très sainte volonté. Et ne se prenant qu'à lui de tout ce qu'il lui envoyait, elle s'écriait « Ô mon souverain maître, si vous ne le vouliez, cela n'arriverait pas, mais je rends grâce de quoi vous le permettez pour me rendre conforme à vous. » Elle ne rêvait plus que d'apprendre à faire l'oraison, mais, écrit-elle, « je n'en savais autre chose que ce mot d'oraison qui ravissait mon cœur. » Et m'étant adressée à mon souverain maître, il m'apprit comme il voulait que je la fisse, ce qui m'a servi toute ma vie. Il me faisait prosterner humblement devant lui pour lui demander pardon de tout en quoi je l'avais offensé. Après l'avoir adoré, je lui offrais mon oraison, sans savoir comment il m'y fallait prendre. Ensuite, il se présentait lui-même à moi dans le mystère où il voulait que je le considérasse, et il appliquait si fort mon esprit en tournant mon âme et toutes mes puissances englouties dans lui-même que je ne sentais point de distraction. Mais mon cœur se sentait consommé du désir de l'aimer, et cela me donnait un désir insatiable de la sainte communion et de souffrir. Dans ces désolations intérieures et les combats que le monde et l'amour de sa mère livraient à son cœur, elle n'avait pas d'autre refuge ni d'autre force que d'aller se prosterner aux pieds de notre Seigneur au Saint-Sacrement, où elle serait restée les jours et les nuits sans se lasser jamais. quelque confusion qu'elle en éprouva lorsqu'elle allait à l'église, l'Esprit de Dieu la poussa à s'approcher le plus près possible de l'autel et du tabernacle. C'est là que son bon maître lui enseignait à faire oraison et lui découvrait ses mystérieux desseins sur elle. Il imprima aussi dans son cœur, vers ce même temps, un si grand amour pour les pauvres que Marguerite se fit un délassement du labeur de les servir et de les instruire. Elle les soignait dans leur maladie, pansait et baisait leurs plaies avec une ardeur toute surnaturelle. Tout ce qu'elle pouvait obtenir, elle le donnait à ses chers protégés, invitant les petits-enfants à la venir trouver et les réunissant pour leur apprendre le catéchisme. Ils accouraient en si grand nombre qu'ils remplissaient parfois toute une vaste chambre. Mais souvent, hélas, une des trois personnes indiquées plus haut arrivait pour les chasser, avec leur bienheureuse catéchiste, trop saintement habituée à ces rebuts et mépris, pour ne pas les accepter le sourire sur les lèvres. Une fois, la scène fut moins tragique. Ce fut son frère, Chrysostome, qui, entrant, surprit Marguerite environnée de tout ce petit peuple. « Ma sœur, lui dit-il en riant, vous voulez donc devenir maîtresse d'école ?»« Pardonnez-moi, mon frère. » Mais ces pauvres enfants sont peut-être sans instruction. Continuant à l'instruire elle-même, notre Seigneur lui faisait voir la beauté des vertus, surtout des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, lui disant qu'en les pratiquant, l'on devient saint. Et il me disait cela, remarque-t-elle, parce qu'en le priant, je lui demandais de me faire sainte. Et comme je ne lisais guère d'autres livres que la vie des saints, je disais en l'ouvrant, « Il m'en faut chercher une bien aisée à imiter. » afin que je puisse faire comme elle a fait pour devenir sainte comme elle. Mais ce qui me désolait, c'était de voir que j'offensais tant mon Dieu. » De plus en plus partagée entre le désir de répondre à la voix de Dieu et celui de céder aux instances de sa mère qui la conjurait de rester dans le monde, Marguerite pensait pouvoir satisfaire sa conscience en lui donnant le change. Notre Seigneur lui demandait son cœur. Au lieu de le lui livrer, elle se contentait de lui offrir le sang de ses veines, s'accablant d'austérité dont le seul récit fait frémir. Par là, elle se trompait elle-même, ruinant sa santé, sans réussir à pacifier les troubles de son esprit, car le corps n'était pas la victime que convoitait le divin sacrificateur. C'était l'âme de Marguerite qu'il voulait posséder en holocauste. Le combat se poursuivait donc chaque jour plus terrible et plus intime. D'un côté, Jésus-Christ, multipliant ses appels et ses reproches intérieurs à cette âme, jusqu'à lui apparaître sous la figure d'un Ecce Homo, ou dans l'état qui fut le sien après la flagellation, lui remontrant combien il souffrait de voir son amour méconnu par une créature autant aimée qu'elle l'était, et pour laquelle il avait enduré de si atroces tourments. De l'autre côté, la voix de la nature et de la famille, se faisant entendre toujours plus forte et réclamant leurs droits avec tant de véhémence dans ce cœur de 20 ans, qu'il semblait n'y avoir plus moyen de résister. Sur cela, plusieurs partis flatteurs se présentaient. Tous se réunissaient pour persuader à Marguerite que, n'ayant pas eu conscience de ce qu'elle faisait, en prononçant le vœu de chasteté dans son enfance, elle était libre, et que c'était même un devoir de piété filiale de se créer un foyer dans le monde. Ne semblait-elle pas que ce fût l'unique planche de salut pour retirer sa mère de l'humiliante servitude qui pesait sur elle? L'histoire de toute vocation suppose une lutte. De même que la mort, cette séparation de l'âme et du corps, est précédée d'une agonie, de même la mort mystique, cette séparation de l'âme et du monde, est précédée d'une angoisse morale qui, pour certaines âmes, atteint parfois l'intensité d'une agonie. Marguerite l'expérimentait alors inénarrablement. Pour des motifs qu'il serait hors de propos de consigner ici, Monseigneur Denis d'Attichy et Monseigneur de Roquette, évêque d'Autun, restèrent longtemps sans visiter leur diocèse. Ce fut donc par suite de circonstances absolument indépendantes de sa volonté que Marguerite ne reçut le sacrement de confirmation qu'en 1669, à l'âge de 22 ans, des mains de Monseigneur Jean de Maupoux, évêque de Chalon-sur-Saône. La Providence ne fait rien au hasard, elle avait sans doute ses vues dans ce délai. Du moins est-il touchant de remarquer que ce fut précisément dans la période où l'âme de notre sainte traversait la tempête et la persécution, qu'elle fut revêtue de la force d'en haut, par une nouvelle effusion des grâces de l'Esprit-Saint. Plus que jamais, elle allait en avoir besoin. Cependant, notre Seigneur ne la laissait pas sans encouragement. Une fois, dit-elle, j'étais comme dans un abîme d'étonnement, de ce que tant de défauts, d'infidélités que je voyais en moi, n'était pas capable de le rebuter. Il me fit cette réponse. C'est que j'ai envie de te faire comme un composé de mon amour et de mes miséricordes. Et une autre fois, il me dit, je t'ai choisi pour mon épouse et nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait vœu de chasteté. C'est moi qui te pressais de le faire avant que le monde y eût aucune part dans ton cœur. Car je le voulais tout pur et sans être souillé des affections terrestres. Et pour me le conserver comme cela, j'ôtais toute la malice de ta volonté afin qu'elle ne le pût corrompre. Et puis je te mis en dépôt aux soins de ma sainte mère, afin qu'elle te façonnât selon mes desseins. Le démon, soupçonnant que cette âme allait lui échapper, faisait jouer de nouvelles batteries contre elle. Pauvre misérable, que penses-tu faire en voulant être religieuse? Tu vas te rendre la risée de tout le monde, car jamais tu n'y persévéreras. Et quelle confusion de quitter un habit de religieuse et sortir d'un couvent! Où pourras-tu te cacher après cela? Et elle ne dissimule pas ses anxiétés, car elle ne savait à quoi se résoudre. Je me fondais en larmes parmi tout cela, ajoute-t-elle. Notre Seigneur en eut pitié. Il la consola en l'éclairant lui-même. Après la communion, si je ne me trompe, il me fit voir qu'il était le plus beau, le plus riche, le plus puissant, le plus parfait et accompli de tous les amants, et que, lui étant promise depuis tant d'années, d'où venait donc que je voulais tout rompre avec lui pour en prendre un autre? Oh, apprends que si tu me fais ce mépris, je t'abandonne pour jamais. Mais si tu m'es fidèle, je ne te quitterai point et me rendrai ta victoire contre tous tes ennemis. J'excuse ton ignorance parce que tu ne me connais pas encore. Mais si tu m'es fidèle et me suis, je t'apprendrai à me connaître et me manifesterai à toi. Tel fut le trait vainqueur qui décida la vocation de Marguerite. Subjuguée par l'amour de son Dieu, elle était désormais son esclave, elle ne serait qu'à lui. Restait à savoir dans quel ordre elle entrerait, ici encore nouvelles traverses et nouvelles épreuves. On consentait à ce que Marguerite se fît religieuse, mais chez les Ursulines de Mâcon, parce qu'elle y avait une parente. Or, elle avait beau faire pour s'accorder elle-même à ce sentiment, toujours une secrète voix lui disait « Je ne te veux point là, mais à Sainte-Marie. » Elle en était d'autant plus assurée qu'un jour, voyant un tableau de Saint-François de Sales, le grand évêque lui parut jeter sur elle un regard si paternel, l'appelant sa fille, qu'elle ne douta plus que ce saint ne dût bientôt devenir son père. Mais auparavant, il y avait encore un calvaire à gravir pour Marguerite. Madame à la coque tombe malade à l'extrémité. On recommence l'assaut et l'on met tout en œuvre pour convaincre sa fille qu'elle doit ne plus songer actuellement au cloître, sans quoi elle sera responsable de la mort de sa mère. C'est alors que le crucifix devint le maître incomparable, à l'école duquel Marguerite apprit si bien à goûter les leçons de la douleur, que parfois, éprise des charmes surhumains de la souffrance, elle allait se jeter aux pieds de son sauveur crucifié et lui disait « Ô mon cher sauveur, que je serais heureux si vous imprimiez en moi votre image souffrante. » Le cardinal Perrault dira un jour, parlant de cette prière, « Elle est bien courte, mais assurément une des plus belles et des plus généreuses qu'une âme chrétienne puisse adresser au Dieu de la croix. » Lorsque Marguerite exposait ainsi à son cher sauveur la sublime ambition de son âme de lui ressembler dans la souffrance, il daignait lui répondre, « C'est ce que je prétends, pourvu que tu ne me résistes pas et que tu y contribues de ton côté. » Et cette âme s'ouvrait toujours plus grande à l'action divine. Communier souvent eût été son grand bonheur. Mais on ne me voulait permettre que rarement, confesse-t-elle en son mémoire. Et j'aurais cru être la plus heureuse du monde si je l'avais pu faire souvent, et passer des nuits seule devant le Saint-Sacrement, car je me sentais là une telle assurance, qu'encore que je fusse extrêmement peureuse, je n'y pensais plus dès que j'étais sans ce lieu de mes plus chères délices. Et les veilles de communion, je me sentais abîmée dans un si profond silence que je ne pouvais parler qu'avec violence pour la grandeur de l'action que je devais faire. Et lorsque je l'avais faite, je n'aurais voulu ni boire, ni manger, ni voir, ni parler, tant la consolation et paix que je sentais était grande. Et je me cachais autant que je pouvais pour apprendre à aimer mon souverain bien, qui me pressait si fort de lui rendre amour pour amour. Mais je ne croyais pas de jamais pouvoir l'aimer, quoi que je puisse faire, si je n'apprenais à faire l'oraison, car je n'en savais que ce qu'il m'en avait appris, qui était de m'abandonner à tous ses saints mouvements, lorsque je pouvais me renfermer en quelque petit coin avec lui, mais on ne me laissait pas assez de loisirs. L'attente se prolongea encore quelque temps pour Marguerite, jusqu'à ce qu'enfin, un religieux de Saint-François ayant donné du scrupule à Chrysostome à la Coque, son frère, de ce qu'il la retenait au monde, malgré la certitude de sa vocation à la vie religieuse, celui-ci se mit en peine de conduire sa sœur en quelque monastère. On persistait à vouloir que ce fût à Sainte-Ursule. Mais à force de prières et de larmes, versées aux pieds de la Vierge Marie, qui lui dit « Ne crains rien, tu seras ma vraie fille, je serai toujours ta bonne mère », Marguerite obtint d'entrer en un couvent de Sainte-Marie. On lui en proposa plusieurs. Aucun ne lui semblait être celui où son divin maître avait marqué sa place. Mais, dira-t-elle plus tard, aussitôt qu'on me nomma pareil, mon cœur se dilata de joie et j'y consentis d'abord. Elle les surmonta tous, se répétant sans cesse à elle-même « Il faut mourir ou vaincre ». C'est grâce à cet héroïque courage qu'elle vint se présenter, heureuse et confiante, au lieu de son bonheur, le cher Paray. Marguerite ne fut pas plutôt au parloir de la Visitation qu'une voix intérieure se fit entendre à son âme et lui dit « C'est ici que je te veux ». Cela lui causa tant de joie qu'elle pria son frère, qui l'accompagnait, de tout conclure promptement pour sa prochaine entrée en ce monastère, d'autant qu'elle ne serait jamais religieuse ailleurs qu'en cette maison de Sainte-Marie. Après quoi, écrit-elle, il semblait que j'avais pris une nouvelle vie, tant je me sentais de contentement et de paix, ce qui me rendait si gai que ceux qui ne savaient pas ce qui se passait disaient « Voyez là !» qu'elle a bien la façon d'une religieuse. Et en effet, je portais plus d'ajustement de vanité que jamais je n'avais fait, et me divertissais de même pour la grande joie que je sentais de me voir bien toute à mon souverain bien. Ce récit est-il assez vivant? Et ceux qui, sans la connaître, accusent Marguerite Marie d'être une personne triste et repliée sur elle-même, ont-ils jamais lu ce passage? Y trouve-t-on un témoignage assez spontané du caractère de notre sainte? Certes, il n'y a pas à la traîner au lieu de l'immolation. D'elle-même, elle s'y élance comme à une fête, et son jeune front porte déjà une auréole sur laquelle on peut lire « Joie dans le sacrifice ». Toutefois, Marguerite dut revenir encore quelque temps dans sa famille pour y régler ses dernières affaires. On a la minute de son testament. Fait, lu et passé en la maison de la dite demoiselle testatrice et en une chambre du côté du matin, le 19e jour du mois de juin 1671. Bientôt sonna l'heure de la dernière séparation. Enfin, ce jour tant désiré étant venu pour dire adieu au monde, jamais je ne sentis tant de joie ni de fermeté dans mon cœur, qui était comme insensible, tant à l'amitié comme à la douleur que l'on me témoignait, surtout ma mère, et je ne versais pas une larme en les quittant, car il me semblait être comme une esclave qui se voit délivrée de sa prison et de ses chaînes, pour entrer dans la maison de son époux, pour en prendre possession, y jouir en toute liberté de sa présence, de ses biens et de son amour. C'était ce qu'il disait à mon cœur, qui en était tout hors de lui-même, et je ne savais rendre autre raison de ma vocation pour Sainte Marie, sinon que je voulais être fille de la Sainte Vierge. Mais j'avoue que dans le moment qu'il fallut entrer, qui était un samedi, toutes les peines que j'avais eues et plusieurs autres me firent assaillir si violemment qu'il me semblait que mon esprit allait se séparer de mon corps en entrant. Mais aussitôt il me fut montré que le Seigneur avait rompu mon sac de captivité et qu'il me revêtait de son manteau de liesse. Et la joie me transportait tellement que je criais « C'est ici où Dieu me veut ». Je sentis d'abord gravé dans mon esprit que cette maison de Dieu était un lieu saint et que toutes celles qui l'habitaient devaient être saintes et que ce nom de Sainte Marie me signifiait qu'il la fallait être à quel prix que ce fût et que c'était pourquoi il fallait s'abandonner et sacrifier à tout, sans aucune réserve ni ménagement. L'âme qui comprend ainsi la vie religieuse est-elle assez apte à l'embrasser? Affirmer que oui, c'est reconnaître l'œuvre de préparation de l'Esprit-Saint. Étudions maintenant son œuvre de transformation.